Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur la radio libre, bienvenue sur The Mafia. Salut à tous. Chanteur de rap en France, dans le département 34, peux-tu te présenter à nous pour les gens qui ne te connaissent pas encore? J'ai 38 balais, je fais du rap en tant qu'amateur, je suis auteur et je crée des albums. Voilà, j'en ai créé 7 depuis le début 2018 sur ma chaîne Jamendo. Et pour, on est là pour fêter le 8ème. 7 albums, nous dis-tu, c'est énorme. Félicitations. D'où tu puises toute cette motivation? Mon inspiration, en fait, c'est de partager ma musique avec un public qui me suit. Voilà. C'est l'aboutissement de tout ça qui fait que je continue à faire de la musique. J'ai vu sur ton réseau Jamendo qu'il y avait 2 noms d'artistes, c'est bien ça? Oui, tout à fait. J'ai ma chaîne primaire The Mafia et la secondaire Hashtag Mafia. Alors pourquoi avoir choisi 2 noms différents? C'est simple. The Mafia, c'est ma chaîne pilote. Voilà, c'est à partir de là que j'ai fabriqué après avec Hashtag Mafia les épisodes comme une série qui se suit en parallèle de ma chaîne. Ok, on commence à en apprendre un peu plus sur toi, parfait. Pourquoi cet album The Mafia 20h20? Alors, j'ai longtemps réfléchi pour faire la trilogie, le troisième opus The Mafia 20h20. C'est par rapport à mes exigences que je me posais pour pouvoir finir cette trilogie. Tout simplement, je voulais innover et surprendre le public là où je n'y m'attends pas. Tu dis dernier album, il y aura une suite? Non, pas de suite au programme, j'ai pas envie d'entamer une deuxième trilogie, donc stand by. On est dans l'ambiance, que dis-tu d'écouter l'intro? Allez, c'est parti, écoutons l'intro.